voyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 16h. Votre journal, Anne-Sophie Brundong, bonjour. Bonjour à tous. Cette information RTBF tout d'abord. De nouvelles arrestations ont eu lieu chez nous dans les milieux djihadistes. À Liège et à Bruxelles, deux personnes ont été arrêtées, un homme et sa compagne. Elles doivent être présentées au juge d'instruction, Fabrice Grosfilet. Oui, c'est une information RTBF. Trois perquisitions ont été réalisées hier en Belgique, à Arron, sur le territoire de la ville de Bruxelles, à Schaarbeek et à Liège. Ces trois perquisitions ont abouti à deux interpellations. Particulièrement visé, un homme de 28 ans qui est soupçonné de participer à une organisation terroriste. Pour être plus précis, d'après nos informations, cet homme était actif sur un groupe de discussion Telegram où il aurait proféré des menaces d'attentat. Ces menaces ont donc été jugées suffisamment crédibles par les enquêteurs qui ont décidé de passer à l'action et de l'interpeller. Cette opération en Belgique rappelle trois interpellations qui ont eu lieu en moins d'une semaine en France pour exactement les mêmes motifs. En France, il s'agissait de trois mineurs. Ils étaient tous en contact avec Rachid Kézim, un homme basé en Syrie, d'où il est soupçonné de commanditer des attentats, des menaces pour le territoire européen. Les excuses de Luc Van Biesen, l'élu OpenVLD, qui a dérapé hier à la Chambre, a présenté des excuses publiques à la députée SPA Meriam Kitir, à la communauté marocaine aussi. Plusieurs parlementaires avaient rapporté ses propos désobligeants à l'égard de la socialiste flamande d'origine marocaine. En séance plénière, Luc Van Biesen lui aurait lancé un « Si tu n'es pas contente, retourne au Maroc ». La classe politique avait vivement réagi. Gwendoline Rutten, présidente de l'OpenVLD, en tête. Luc Van Biesen et Meriam Kitir se sont rencontrés aujourd'hui. L'homme a reconnu ses torts et l'incident est à présent clos, nous a-t-on fait savoir. À l'étranger, des patrouilles libyennes ont intercepté plus de 1400 migrants en seulement deux jours. Ils tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. La plupart venaient d'Afrique subsaharienne et un tiers d'entre eux étaient des femmes et des enfants. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui et en urgence autour du dossier syrien. Les camions humanitaires des Nations Unies sont toujours bloqués dans une zone tampon entre la Syrie et la Turquie. Ils espéraient pouvoir livrer nourriture et matériel médical aux populations assiégées de la ville d'Alep. Mais la trêve dont les combats devront permettre cet acheminement ne semble plus tenir qu'à un fil. Autour de Damas, la capitale, elle aura même volé en éclats. De violents combats et des bombardements ont été observés. Ils opposent le régime syrien à des groupe rebelle. On passe au sport et on prend la direction d'Ostende où la Belgique affronte le Brésil depuis 14h cet après-midi en barrage du groupe mondial. David Goffin était le premier à monter sur les cours face à Thiago Monteiro. Et nous retrouvons sur place Christine Anquet. Christine, je crois savoir que les choses se sont plutôt bien passées pour nous. Oui, vous avez raison, elles se sont très bien passées pour la Belgique et donc pour David Goffin qui a gagné ce premier match 6-2, 6-2, 6-0, premier point pour la Belgique. Il faut dire que le contraire eût été une très très grosse déception et David Goffin, il a très bien fait le boulot, le score le montre tout à fait. Il jouait donc face à Thiago Monteiro. Quand chacun joue à son niveau, on voit effectivement toute la différence entre un 14e joueur mondial et un 101e joueur mondial. Ça va beaucoup trop vite pour le moins bien classé, ça allait beaucoup trop vite cet après-midi pour Thiago Monteiro. La Belgique est donc aux commandes et sur un plan plus personnel, David Goffin a montré du très bon tennis pour son premier match depuis la grosse déception de son élimination au premier tour de l'US Open. Il fallait la digérer. Eh bien, il l'a très bien digéré. L'idéal serait bien sûr de mener 2-0 ce soir à l'issue des deux premiers simples. Et c'est Steve Darcy, monsieur Coupe Davis, qui va essayer de faire ça. Ce sera dans quelques minutes. Il jouera contre le numéro 1 brésilien, Thomas Bellucci. Merci beaucoup Christine Anquet. Encore un petit mot de tennis avec les Jeux Paralympiques de Rio. Et le tournant en fauteuil, le Belge Joachim Gérard tentera de décrocher le bronze. Il rencontre le Français Oudet à 17h et c'est à suivre sur notre plateforme digitale Ovio. Merci de nous écouter, je vous souhaite une belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et après toutes ces infos sérieuses à 16h04, place au presque sérieux avec vous Walid. Effectivement Anne-Sophie, retour de l'information tout à l'heure avec vous à 16h30. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Le maire de G décède dans un accident de la route au volant de son scooter. Bon, jusque-là, rien d'absolument affolant. Enfin, c'est triste. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous connaissez ce proverbe corse ? Si tu rates en tournant en Corse, c'est pas grave. Il y en a un autre après. Jusqu'il y a peu, le beau-frère avait surtout pignon sur rue dans les magasins. Avec des arguments de vente comme « Franchement, ce presse-agrume, c'est un rêve. La preuve, j'en ai vendu un la semaine dernière à mon beau-frère. Il est ravi. » En plus, avec ce modèle-ci, vous bénéficiez de la garantie européenne. C'est-à-dire, par exemple, que si vous voyagez avec votre presse-agrume en Autriche et que vous avez un problème avec votre presse-agrume, ce qui n'arrive jamais, mais c'est un bon modèle, mais sait-on jamais, et bien vous êtes couvert par l'assurance. C'est à quoi je demande, mais qui est le serial killer qui prend son presse-agrume avec lui en Autriche ? Anderlu. Il découvre. Déjà, c'est ça, c'est bien. Ouais. Anderlu, il découvre un criquet dans sa boîte de haricots. Et alors, témoignage. J'ai téléphoné à Testachat, personne n'a répondu. Eh bien oui, Bayer a bien inventé et commercialisé l'héroïne pendant une quinzaine d'années, jusque ça soit interdit, je crois, aux États-Unis en 1924, un truc comme ça. Et donc, ça a provoqué l'addiction de milliers de gens, dont des enfants. Youpi ! Je rappelle que le slogan de Bayer, c'est « La science pour une vie meilleure », c'est presque aussi réussi que « Le travail rend libre ». Le cancer, ce ne sera plus une maladie, ça va devenir un animal de compagnie. Qu'est-ce que tu as, toi ? Cancer des poumons ? Ah oui, c'est pas mal, ça. Moi, j'ai pris cancer colorectal, mais c'est de la merde. J'arrête pas de salir les sièges de la Passat, demain, j'arrête. Monsanto ! Oh, Monsanto ! Un disque acheté, un Roundup offert ! Et pendant ce temps-là, abuser du Roundup peut nuire à votre anglais ou votre engrais. Hello, You speak English? Yeah, a little bit. All right. In France, you are from Monsanto? Monsanto? Yeah, from. Ah, yes. Okay. And what is the first name, please? Just from. And the last name? Sure. Wait. All right. Can I help you? Yeah, hello. You speak English? Yes. If it's Monsanto by Bayer, it's an image to the music that don't. What are you calling about? Can I help you with something? Yes. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Quand la pauvreté a changé votre vie, achetez maintenant un paquet de Dwegbert et offrez deux tasses de café à ceux qui en ont besoin. Ah oui, quand on entend ça, on se dit qu'en fait, chez Dwegbert, ils ne vont pas licencier 274 personnes, non. Ils se fabriquent 274 arguments marketing. Eh oui, la vie ne tient qu'à un filtre. Alors, Café Diem, même quand l'actu a un sale goût de jus de chaussette, bien ils la filtrent hein, pour en sortir un humour certes parfois très noir, mais ils sont comme ça. Ils ne sucrent jamais une chose qui leur passe par la tête. Ce sont vos chroniqueurs presque sérieux du jour. Ravis de vous retrouver en ce vendredi pour une heure et demie de presque sérieux autour de l'actualité avec celui qui justement, qui fera boire la tasse à l'info. Mickaël Albaz, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Entre grain de folie et fait moulu, quand il dessine, il est toujours sur le filtre du chat noir. Frédéric Dubus. Avec un sucre et demi. Ses élèves l'ont rebaptisé Georges Cloné. Faut dire qu'au cours de néerlandais, il n'arrête pas de répéter what? Voilà. Elle, c'était le nom d'une élève. Oui, voilà, c'est ça. Cédric Gervi, bonjour. Si je puis ajouter quelque chose, on peut dire qu'il brille comme un sous-neuf aujourd'hui. Ah, là, effectivement. Oui. C'est quoi, c'est de la wax? C'est la wax qu'elle préfère. C'est au car wash. Petit Oxpresso, tranche de fake fait maison. Il ne vient jamais les mains vides à l'heure du goûter. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Bon appétit. Et lui, c'est un petit peu notre père colmateur de l'actualité. Raoul Reyers, bonjour. C'est vrai qu'on boit beaucoup de café. Ah, et comment? Un peu moins maintenant. Mais effectivement, tiens, avec son regard de braise, elle pourrait torréfier instantanément eh bien, les dirigeants de Dwegbert. Hein, avec nous, elle ne boit pas que du petit lait. C'est celle qui a préparé cette émission pour vos petites oreilles. C'est notre cher Carole Baquet. Et puis, pas trop fort, pas trop léger. C'est lui qui manie la dosette à la réalisation. Notre cher Vincent Van Der Venet. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour. Presque sérieux. C'est presque sérieux. La première. Ah, beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Hein. On accordera nos guitares avec Cédric Gervy, avec une petite chanson en rapport avec l'actualité. Un dessin qu'il n'a pas fait, eh bien Fred Dubus nous en parlera, celui qu'il a hésité longuement à faire, son presque dessin. Donc il nous le présentera tout à l'heure. Et puis on s'intéressera à la rentrée politique de Laurette Ankellings avec Mickaël Alba. C'est des cadeaux que nous vous offrons, notamment avec l'actualité du jour. Venez jouer avec nous au Qui a dit et tentez de repartir avec le magazine Phileas et Autobulle. Vous repartirez, vous allez tenter de repartir avec un abonnement annuel à ce magnifique magazine qui fête ses 10 ans. On rajoute à cela un livre de casse-tête logico aux éditions Larousse ainsi qu'un chargeur USB, la première. La phrase du jour et les propositions que vous allez faire à nos auditeurs, chers amis, la voici. Tant que je pourrai, je serai là. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? À vous de faire des belles propositions et à vous qui nous écoutez, eh bien, de tenter de découvrir qui aurait pu prononcer cette phrase. Tant que je pourrai, je serai là. Petite formalité à remplir, vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On n'attend plus que vous et on l'attend avec impatience. C'est la une du jour. C'est la une. Au programme, deux infos, deux chansons. Écoutez. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler? Alors, c'est un générique. FBI portée disparue et Régine, les petits papiers. Démarrons cette émission avec Régine, les petits papiers. C'est une chanson de Gainsbourg, je crois. Ils vont, oui, encore, ils vont encore changer la collecte des papiers, des sacs jaunes. Ah non, on n'est pas fois sur 15. Ah non, pas du tout, monsieur. Pas le du fédéral tout. Va nous mettre aux régimes. Non. On parle de papier d'identité. On parle de papier d'identité, Vincent Flibustier. Des cartes à puces. On parle des cartes à puces, Vincent Flibustier. Il n'y aura plus de papier. Non. Elles vont coûter plus cher. Non. Il faudra les remplacer plus. Les cartes à puces en particulier, il y en a une que nous avons elles tous. Elles seront plus vite périmées. Carte d'identité. Il est question de carte d'identité. De quoi s'agit-il ? Elle va contenir des données en plus. Non. Ah, non, c'est une étude. Il y a genre la moitié des Belges qui, j'ai vu un truc comme ça. Leur carte n'est pas à jour. Non, ce n'est pas ça. Et c'est pas le fait qu'elle sera plus vite périmée, qu'il faudra plus vite la remplacer. Qu'est-ce qui peut arriver avec une carte d'identité ? Quand on la perd, un truc spécial. J'ai vu un article sur le site de RTBF, mais j'ai oublié. Ah bah, c'est quand on la perd, en fait, il y a un truc qu'on peut savoir. Vous avez commencé votre phrase. J'ai vu ce truc-là aussi, j'ai pas cliqué. Je me suis dit encore un truc, un attrape-con. Parce qu'il ne donne jamais la vraie. Oui, c'est ça. Et le résultat va vous étonner. J'en ai marre de cliquer. Qu'on me donne l'info dans le titre. Bon sang. Vous savez quoi ? Voilà, ça suffit maintenant. Vous savez quoi ? Je vais vous inviter à cliquer sur l'info. Je vous en parle pas. On travaille comme des fous. Moi je dis, pour trouver des informations. Vous voulez savoir ce qui se passe au niveau des cartes d'identité ? Le résultat va vous étonner. Cliquez sur le site de la RTBF. Non, je vais vous en parler quand même. Ça nous concerne tous, les amis. Retrouver sa carte d'identité sans le mentionner peut avoir des conséquences désagréables. Vous avez déjà perdu une carte d'identité ? Jamais. Non, jamais. Et puis vous allez faire un double et vous omettez en la retrouvant. Et vous la retrouvez entre-temps. Bah oui, vous la retrouvez. C'était dans le titre. Oui, et vous la retrouvez entre-temps. Que se passe-t-il dans cette Vous ne retournez pas à la police pour faire une déclaration. Vous la donnez à un ami réfugié, par exemple. Et lorsqu'une personne retrouve sa carte d'identité volée ou égarée, eh bien elle doit le signaler à la police ou à la commune. C'est ce que signale hier la police dans un communiqué. Dès que la carte d'identité est signalée disparue, eh bien les services de police nationaux et internationaux sont avertis et le document d'identité peut être saisi. Quelques 167 personnes se sont retrouvées face à ce problème durant l'été. Il n'est pas rare. Il y en a des Raoul Reyers dans la nature. Hein. Pas rare qu'une personne déclare donc sa carte d'identité comme perdue ou volée via DocStop. Vous connaissez, c'est comme CardStop, mais c'est pour les documents officiels. Et auprès de ce service, de la population ou la police, il arrive ensuite que celle-ci, cette personne retrouve son document, sa carte d'identité, mais oublie de le signaler. La police prévient, puisqu'il faut faire également une déclaration. Vous l'avez retrouvée, déclaration de retrouvée. Mais si on cache à la police qu'on l'a retrouvé, comment voulez-vous qu'elle le sache ? Il faut la couper la carte. Voilà. On peut en faire des onglets pour guitare. Voilà. C'est mieux. Ça doit être bien. Oui. Donc voilà. Merci pour ces petits conseils de fraudeur. En attendant, deuxième info, deuxième actualité. On parle de FBI portée disparue. C'est le générique. Ça va enfin arrêter d'être diffusé. Ça parle de carte d'identité. Ça parle de carte d'identité. Non. Si vous avez perdu quelqu'un de votre famille mais que vous le retrouvez, il faut aller déclarer que vous l'avez retrouvé. Au FBI. Est-ce qu'on est dans le sport ? Non, on n'est pas dans le sport. Vous pensiez à quoi ? À une fuite de documents... Du FBI. qui révèle des cas de dopage. Ah bon, on n'a pas lu ça, nous. Non. Ah bon, non. Ouais, ah quoi. Bon, non, mais quelques cyclistes très connus, quelques cyclistes très connus se défendent actuellement. Absolument pas. C'est absolument pas ça. On D'accord. parle du FBI et c'est un conseil que le FBI vous propose. Ah, de disparaître votre webcam, de mettre un petit autocollant sur, comme là ici là, sur les PC portables et tout. Sur on est observé. Eh ben oui, les webcams de vos ordinateurs. Sont-elles des appareils risqués, en tout cas si l'on en croit le directeur du FBI, pour protéger votre vie privée, mieux vaut masquer l'objectif de ces petites caméras. Alors, on se souvient tous de cette photo qui a été pas mal de fois partagée, celle de Mark Zuckerberg qui, sur une photo anodine, célébrant son succès sur Instagram, mais bien montré à tous sa volonté de protéger son image. Et en arrière-plan du cliché, bien on voyait et on pouvait constater que le fondateur de Facebook plaçait un morceau de scotch sur la webcam de son PC portable ainsi que sur son microphone. Eh bien, il y a une conférence et il y a le directeur du FBI qui vous invite toutes et tous à mettre des petits autocollants un petit peu partout, même sur vos téléphones. Sur comme ça, on croit que votre téléphone est cassé. Voilà. Il y avait ça déjà dans Tintin et les Picaros. Hein, voilà. Avant de dire le vrai truc, il met la musique plus fort et il planque. Mais c'est exactement ça. Ouais. Pour éviter de se faire hacker, tout simplement. Pour éviter qu'on. Je crois que les hackers sont plus intéressés par Mark Zuckerberg que par les Picaros. Si moi, ils veulent me voir me gratter mes crottes de pif sur mon écran, il n'y a vraiment aucun souci. Ils ont vraiment que ça à faire. Une femme qui prend sa douche, qui laisse son téléphone, pas très. Avec l'ordinateur en face de la douche. Jennifer Lawrence. Oui, c'est ça. Vous savez ce qui me ferait le plus peur ? C'est qu'il me voit m'endormir derrière mon ordinateur. Ah, ce serait drôle, ça. Et donc, voilà. Donc, protégez ça, tout le monde le voit au bureau. Protégez votre vie privée. Effectivement, maintenant que je sais ça, je vais mettre une webcam sur l'ordinateur de Raoul Reyers. En attendant, à voir sur Ovio. À s'intéresser à l'actualité avec des cadeaux. 5 heures de sieste passionnante. Tant que je pourrai, je serai là. C'est le qui a dit du jour. Vous inscrivez en envoyant simplement ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes le message avec vos coordonnées complètes et on vous offre un magazine qui fête ses 10 ans Filéas et Autobulle, non pas un magazine mais un abonnement annuel. N'hésitez pas à vous inscrire, on rajoute à cela un livre de casse-tête logico aux éditions Larousse et un chargeur USB. La première CPS au 6031 75 centimes le message, à vous de jouer et c'est à lui de jouer justement dans un instant puisqu'il va accorder ses guitares. Oula. Et nous parler d'une chanson avec deux tours de retard, c'est le titre de cette chanson de Cédric Gervis. C'est parti, c'est tout de suite. Quand les tours s'effondrent, c'est presque sérieux sur la première avec Walid. Excusez-moi, oui, la Peugeot 208 là, le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Moi, j'aime recevoir les amis, les voisins. Et grâce à notre délicieux rôti de carré de porc, vous allez aussi recevoir des compliments. Ah ouais, monsieur Marc, oh, que vous êtes beau et tendre. Enfin, petit, c'est de moi que tu parles. Non, c'est du rôti, voyons. Ah, oui. Ah, mais jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux rôti de carré de porc est à 5,99€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. À la recherche d'une voiture neuve ou d'occasion, trouvez-la parmi plus de 120 000 véhicules sur le nouveau site du Moniteur Automobile. Moniteurautomobile.be, l'actu auto en temps réel. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. La première. Mobile Info. 16h19, Adrien Demey est-il là ? Oui. Et les automobilistes sont-ils là ? Oui, il y en a pas mal d'ailleurs qui sont bloqués sur l'E40 entre Bruxelles et Aix-la-Chapelle à l'approche du chantier de Cherat. Vous perdez beaucoup de temps, une heure environ perdue sur votre trajet entre Loncin et Cherat, donc une grosse congestion de trafic, 12 km pour être exact. C'est en direction donc de l'Allemagne. Sur la 602, un accrochage s'est produit dans le tunnel de Cointe. Conséquence, la bande de droite qui est soustraite au trafic comptait 25 minutes perdues en amont avant d'accéder à ce tunnel de Cointe venant de Loncin vers Chennai. Sur le 19 entre Mons et Bruxelles, un accident s'est produit à hauteur du Reux. Le passage est difficile dans cette bretelle de sortie vers Bruxelles. Sur le ring de la capitale, quelques retards plus conséquents. Pointons environ 25 minutes supplémentaires tout au plus entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis sur le 411 entre Namur et Luxembourg, ça roule au pas, nous dit-on, entre Abbey-la-Neuve et Arlon, comptait une dizaine de minutes perdues, c'est en direction du Grand-Duché. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Une guitare, une chanson et l'actualité, le 3 en 1, c'est comme le shampoing de Cédric Gervais. Et un t-shirt Pokémon. Ouais. Et un beau t-shirt Pokémon. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu le t-shirt Pokémon. On va passer à la suite alors. Hein. Cédric Gervais qui nous propose une chanson en rapport avec l'actualité et les deux tours. C'est parti. C'est parti. Donc le 11 septembre 2016, Hillary nous fait un malaise. Nous le malaise, on l'a tous senti depuis que Ben Laden est parti. L'ennemi public numéro un, sorti de sa grotte par les ricains. C'était un remake de Rambo, Independence Day en plus gros. Un petit retour 15 ans en arrière, un petit bureau de fonctionnaire. Les collègues qui comprennent que dalle, ce serait la troisième guerre mondiale. Et les images qui passent en boucle à la télé, pas sur Facebook. Tout ça n'existait pas encore, mais on savait le nombre de morts. Ces gens qui se jetaient par les fenêtres comme nos illusions, mais peut-être que tout ça n'est qu'un grand complot. On en parle dans son petit bureau. Depuis 15 ans, ben tout est pire. Le 11 septembre, c'était pour rire. C'était loin, puis c'était un film, un peu le blockbuster ultime. Aujourd'hui, ça pète même tout près, assis aux terrasses des cafés. Et tous les méchants qui complotent sont plus cachés au fond d'une grotte. Ils se planquent dans des meubles Ikea. Ils étaient à l'école avec toi. Après, y a un truc qui a pas pris, je comprends le malaise d'Hillary. Y'a pas que les deux tours qui s'effondrent, Caterpillar migrant le monde. Et y'a même plus le petit journal pour nous en parler pas trop mal. Donc le 11 septembre 2016, y'en a tant qui souffrent sur les braises, que l'incendie ne s'est jamais éteint depuis le 11 septembre 2001. C'est bien, Cédric Gervais, hein. L'homme qui savait mettre de la joie et de la bonne humeur. Ceci dit, son ami Renaud, il le dépasse. Là. Il a du souci à se faire. Bah ouais. Attends. Vous êtes fait tatouer. C'est-à-dire que lui peut la faire j'ai beaucoup souffert comme lui. Et puis lui peut la faire en une prise, pas comme Renaud. Oui. Tiens, vous êtes fait tatouer Jésus comme Renaud ou pas ? Non, ça me fait un peu mal au cœur, ça. Vous êtes aussi pour Fillon. Oui, c'est ça. Tant que tu te fais pas tatouer Fillon. Oui, c'est ça. Bon, 16h23, Basti, Good Grief et Raoul Reyers. Dans un instant, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire en envoyant CPS au 6031 avec vos coordonnées complètes pour jouer avec nous. Qui a dit « Tant que je pourrai, je serai là ». Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Réponse d'ici quelques minutes sur la première. Soyez les bienvenus si vous arrivez. Shuts my eyes and count to 10. It goes in one ear out the other. Near out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. tenderly. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Song. Well, I've been dancing at a funeral, dancing at a funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. En concert le 1er février 2017 au Sport Palace d'Anvers, Bastille, Good Grief sur la première. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Et alors, Raoul ? Je vous emmène dans le centre de l'Angleterre. Allons-y. À Stratford. Allons-y. Oui. Eh bien, les services de secours ont reçu un appel d'une dame, donc les ambulances, un appel d'une dame qui n'était pas âgée, elle avait 32 ans, elle les a toujours, j'imagine, parce qu'elle souffrait des pieds. Ah ouais. Et c'est-à-dire qu'elle a fait du shopping toute la journée, ben, c'est épuisant. Hein. À faire du shopping C'est un. Oui, oui. Ah, je ne sais pas si vos femmes font ça aussi, mais c'est épuisant. Donc elle a téléphoné à l'ambulance pour qu'on la ramène chez elle, parce que ses pieds lui brûlaient. Ah oui. Mais ils ont... Ils ont 32 ans. Ils auraient dû appeler les pompiers, ça aurait été plus simple. Elle l'avait fait avant. Oui. Il l'avait aussi envoyé péter. Elle a appelé la police avant aussi. Et elle est rentrée à pied, à mon avis. Elle a appelé son mari. Peut-être après. En bus. Ah, ça, c'est une... Vous imaginez, c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est comme les gamins. Les gamins font vraiment des conneries. Bon, un gamin qui rencontre une jeune fille, un étudiant, ils sont tous les deux étudiants, ils ont envie de passer un bon petit moment. Ah oui, ça j'ai lu, c'est fabuleux. Hein. Et bon, ben, ils n'avaient pas de préservatif. Alors, ils ont utilisé un sachet plastique. Ah ouais. Alors, je ne vous dis pas la rugosité du sac, le manque d'élasticité et de lubrification. Ils se sont retrouvés tous les deux à l'hôpital aux urgences, quand même. Vous imaginez Et à expliquer après. C'était pas un sac de congélation. Ouais. Qui sortait du congélateur. Ouais. Ils auraient peut-être eu moins de mal. Ouais. Mais non, c'est incroyable. Bon, alors, les petits gars, si vous voulez un petit peu vous amuser, buvez une bière en moins et achetez-vous les préservatifs. C'est pas faux. C'est le père Raoul qui vous le dit. Tiens, Raoul, vous auriez une étude pour nous tout à l'heure ? J'en aurais une petite. Ah, une petite étude. Elle est rapide, mais elle vaut la peine. Ah, bien écoutez, on s'en réjouit d'avance. C'est à 16h30. C'est pas la longueur qui compte. On s'informe. Avec Anne-Sophie Breuil, donc. Et puis nous jouons avec vous. Qui a dit tant que je pourrais, je serai là. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Venez jouer avec nous au Qui a dit. Nous vous offrons pas mal de cadeaux. Et il suffit de vous inscrire. CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On joue avec l'un ou l'une d'entre vous dans quelques minutes. A tout de suite. Ça se passe sur la première. Les Belges du bout du monde avec Adrien Jovenot. Vous connaissez des Belges qui font des merveilles à l'étranger, en culture, art de vivre, solidarité, économie ou nouvelles technologies? Faites-le nous savoir. Grâce à vous, ils décrocheront peut-être un des 5 trophées des Belges du bout du monde. Plus d'infos sur rtbf.be/trophées des Belges. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Comment vous voulez représenter, vous, les résultats d'une banque? Des messieurs en costume dans une grande salle de réunion? Un rapport énorme avec des graphiques très compliqués? Il y a une façon plus simple de les montrer, ces résultats. Les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises où vous travaillez, les piscines publiques, les pistes cyclables, ça aussi, ce sont les résultats de Belfius, à côté de nos 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. La première présente « Chacun sa place » de Véronique Gallo au TTO à partir du 7 septembre. Alors, c'est l'histoire, très drôle évidemment, de deux sœurs et d'un frère qui organisent pour les 60 ans. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu. www.ttotheatre.be 02 510 0 510 avec le soir. La première vous invite à l'avant-première de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Soyez le bienvenu. Plongez dans l'univers fantastique de Tim Burton. Il nous traque depuis des siècles à cause de nos pouvoirs. Pour y assister le 27 septembre à Liège ou à Braine-l'Alleud, 0905 56 475, 50 cents par appel. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. La première. 16h30. Votre journal, Anne-Sophie Breundonx. Bonjour. Bonjour à tous. Et on va commencer par cette information étonnante, Walid. Des crabes chinois envahissent la Flandre et plus précisément les caves du nord de notre pays. Ils ont les pattes velues et ont la taille d'un poing. Les autorités flamandes lancent donc un plan de lutte contre cette espèce invasive. Ces crabes seraient arrivés chez nous via de gros cargos dans les ports de Rotterdam et d'Anvers. Je vois que ça vous inspire. Hein. Et on en retrouve maintenant jusqu'à Arscott, dans les filtres de refroidissement de la centrale nucléaire de Doul aussi, ça explique peut-être les poils sur les pattes. Développement en tout cas dans Soir Première tout à l'heure avec Arnaud Reussen et Odile Leert. Et cette information est tout à fait sérieuse. Attention, on arrive. Je continue. Les mesures économiques de soutien aux indépendants et PME adoptées par le gouvernement suite aux attentats de Bruxelles doivent être prolongées. C'est la demande formulée par l'UCM aujourd'hui. L'Union des classes moyennes rappelle que le chiffre d'affaires de milliers d'indépendants et d'entreprises a fortement chuté depuis le 22 mars, principalement dans les secteurs du tourisme et de l'horeca. Les mesures en question sont supposées prendre fin le 1er octobre. Les sports et ce premier point décroché pour la Belgique par David Goffin en barrage du groupe mondial de Coupe Davis de tennis. Goffin était le premier à monter sur les courts, 14e mondial, il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Thiago Monteiro classé à la 101e place, victoire en 3-7, 6-2, 6-2, 6-0. C'est à présent Steve Darcy qui joue le deuxième simple, il est opposé au numéro 1 brésilien Thomas Bellucci. Ce qui fait débat ce soir, c'est cette question, instaurer une allocation universelle, est-ce forcément une révolution? Arnaud Reussen reçoit François Maniquet, économiste à l'UCL. CQFD, c'est à 17h45 dans Soir Première. Et en attendant, on continue à être presque sérieux sur la première. Merci, Antoine. On fait très bien le crabe. On serre la pince. Pourquoi ça Écoutez, à 17h, retour de l'information. Et on joue également avec l'actualité. C'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Katia Dodorghem, dans la région bruxelloise, est avec nous. Bonjour Katia. Bonjour Walid. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Et nous, vous rendez pas compte. Ça fait 10 ans qu'on essaie de vous appeler. Je suis ravie de vous avoir. Mais votre téléphone est tout le temps occupé. Oui, c'est vrai. Oui, pas vraiment, vraiment. Mais c'était parce que c'était mon anniversaire, alors. Bon anniversaire. Alors là, ça veut dire un cadeau en plus. Oh, ah bah oui, un sac à pain, deux clés USB. Walid vient directement chez vous pour apporter. Bah oui, un crabe velu gratuit. Sort du gâteau. Eh ben chiche, je viens vous déposer votre cadeau. C'est sur sa route. Bonne idée. C'est sur ma route. Vous n'êtes pas loin. Je suis pas loin. On n'exagère rien. Donnez son adresse. Oui, je veux dire, je viendrai. On s'arrangera tout à l'heure, Katia. Mais en attendant, d'accord. Je viendrai vous déposer cet abonnement annuel au magazine Filiation. Oui, ça m'a réjoui parce que j'ai entendu tout le bien qu'on disait de cette nouvelle revue ou de cette revue qui existe déjà mais que je ne connaissais pas. Eh bien, en fait, c'est 10 ans et vous allez voir. Oui, vous faut allez gagner vous régaler. Un livre de casse-tête logico aux éditions Larousse, vous réjouissez aussi. Waouh. Et un chargeur USB aux couleurs de la première. Yahoo. Et d'autres cadeaux que je voudrais vous déposer chez vous à la maison, mais je ne vous en dis pas plus. Vous aimez les clés USB. En attendant, la phrase du jour, la voici. Ma chère Katia, parmi les propositions que nous allons vous faire, qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase « Tant que je pourrai, je serai là » Vincent Flibustier. Ben, en fait, c'est Jean-Marc Nollet, mais il faut lire L-A-L-A-S, et donc il parlait évidemment des propos de ce député envers l'autre député d'origine marocaine. Je serais las, bien sûr. Il y a un gif magnifique avec ça. Hein. On va demander à Fred Dubus. Il s'agit de Charline Vanhoenacker. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'émission d'hier avec Nicolas Sarkozy, on n'a parlé que de ça. Donc, bien sûr, Charline Vanhoenacker. C'est terrifiant. Et alors, très, très, très chouette interview de Pujadas. Qu'il a bien boxé à un moment donné, il a dit « Alors, comme ça, on a tué Kadhafi, hein ?»« Non, fais-moi la main !»« Donnez-moi deux neurones !» Il lui a pas dit exactement ça comme ça, mais... Non, il lui a pas dit comme ça. Parce qu'après, on a vu Sarkozy, et on fait ces petites parenthèses, après, on a vu effectivement Sarkozy dire « Monsieur Pujadas, laissez-moi vous dire, donnez-moi deux neurones !» Il a fait le chinois, il a fait Sarkozy, mais c'est quoi le prochain ? Il lui a dit « Vous venez de m'accuser d'avoir tué Monsieur Kadhafi ?» Et là, t'as Pujadas qui fait dans son froc. Il fait « Non, j'ai jamais dit ça !» On l'a plus entendu. Ah non, mais c'était génial. Franchement, c'était sympa. Et Charline était brillante. Ah, Charline, qu'on embrasse d'ailleurs au passage. Charline Vanhoenacker pour Fred Dubus. Oui. Il y a Michel Albaz qui nous fait une proposition. Tant que je pourrai, je serai là. Eh bien, c'est Michel Platini qui a très exactement déclaré « Tant que je pourrai, je serai là pour promouvoir le football partout dans le monde, de Suisse au Panama, en passant par les îles Jeanne Caïman. Je vous le jure sur la tête de Sepp Blatter. » On va demander à Raoul Reyers. Tant que je pourrai, je serai là. Ben, je vous l'avoue, c'est moi qui ai dit ça. C'est vous. Ouais, parce que je m'amuse bien, Walid. Ça me fait plaisir, Raoul. Écoutez, mais je savais que ça vous ferait plaisir. Alors, tous les journaux ont repris. Si on le laisse faire. Cette réforme des retraites. Hein. Tant que je pourrai, je serai là. Vous n'avez pas dit... Et même si je ne suis pas payé. Et même si je ne suis pas payé. Non, il n'a pas dit ça. Ah, ok, d'accord. Et enfin... On va demander à Cédric Gervi. Tant que je pourrai, je serai là. Eh bien, c'est celui qui, comme disait Souchon, confond vert de rouge et vert de rage. C'est Marc Goblet. Marc Goblet pour Cédric Gervi. Katia, tant que je pourrai, je serai là. Jean-Marc Nollet, Charline Vanhoenacker, Michel Platini, Raoul Reyers ou Marc Goblet. Oula! Casting! Il n'y a pas Ribéry pour une fois. Alors. Mais Raoul! Ça fait trop de temps. Alors attendez, attendez. Pour notre grand plaisir. Attendez, Katia, attendez. Qu'est-ce que vous vivez pour moi, Katia? Ne plongez pas tout de suite. Alors. Réfléchissez bien. Il va falloir faire un seul choix. Ça pourrait être. Alors, Katia, je vais essayer de vous mettre sur la voie. Si je viens chez vous, vous m'offrez quelque chose à boire? Bien sûr, des bulles. Oui, dans un verre ou dans un. Dans une tasse. Dans une tasse. Ou dans un rouge. Dans un pot. Ou dans un... en plastique. Aïe. Alors, à votre avis. C'est subtil. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plastique? On se prend un petit nolet. Ah oui. Dans un Vanhoenacker en plastique. Dans un Reyers en plastique. Ou un Raoul en plastique. Un gobelet en cristal, qu'est-ce que vous en pensez? Marc Goblet en cristal, c'est le choix que vous faites, ma chère Katia. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous convient, ça? Bah écoutez, moi, si vous êtes contente, je suis content. Il a vraiment envie de venir chez vous. Hein. Alors. Oui, d'accord, très bien, on va dire. Parce que c'est notre dernier moment. Marc Goblet, effectivement, c'est Marc Goblet. Bien joué, Katia. Marc Goblet, 59 ans, secrétaire général de la FGTB, le numéro 2 aujourd'hui du syndicat socialiste, présidé par Rudy Deleu. Qui est revenu. Et avant cela, Marc Goblet a notamment été à la tête de la FGTB Liège, Warem. Et malgré les problèmes de santé, bien, il ne reprendra pas ses fonctions à temps plein que ce lundi 19 septembre. Pour une fois, c'est une bonne nouvelle, ça. Pour une fois que c'est pas. Attendez, c'est pas folichon ce qui lui arrive, hein, problème de santé. Donc Marc Goblet était présent en tête du cortège lors de manifestations en soutien à Caterpillar. Donc même avec ses problèmes de santé, il reste un battant. Et il le dit, tant que je pourrai, je serai là. C'est ce qu'il a expliqué aux journalistes. On ne l'a pas privé de manifestation. Et interrogé d'ailleurs sur ses problèmes de santé, Marc Goblet a d'ailleurs répondu avec humour. Le fait que je sois là démontre que je vais bien. Eh bien, c'est donc gagné, ma chère Katia. Vous repartez avec tous ces cadeaux. Vous allez laisser votre adresse à Carole Bac. Vous êtes chez vous ce soir à la maison? Oui. Eh bien, je serai chez vous à 18h45. 18h45, parfait. C'est enregistré. Je viens, je dépose des cadeaux, je m'en vais après. Hein. On s'entend bien. Oui, mais vous allez quand même boire une bulle. Une seule alors, hein. Je veux dire, vous savez ce qu'il adore, c'est les gâteaux au fromage, les cheesecakes. Ah oui, cheesecake, ah oui. Il adore. Ah oui, je sais pas faire. Ça, je sais pas faire. Non mais tant pis, il viendra pas alors. C'est pas grave. Alors il se fâche. Je trouverai quelque chose de fromager. Bah écoutez, merci en tout cas de votre joie de vivre, de votre bonne humeur, Katia. Restez presque sérieuse. Restez nous fidèles. On vous repasse notre assistante Carole Baquet et on va continuer nous à s'intéresser à l'actualité avec dans un instant, on l'a tous entendu parler de cette information hein, qui concerne cette marque sud-coréenne de téléphone. Ah oui, Tampon. Bien sûr. Eh bien, imaginez un instant que... Information explosive. Eh bien voilà, cette information explosive. Imaginez que je sois en possession d'un téléphone, que j'appelle mon ami Raoul Reyes. Un presque lapsus. Voilà, c'est un amour, bien sûr, en plus. Raoul Reyes. Et qu'à ce moment-là, le téléphone explose. Ah, trou dans la lèvre, la totale, et il faut appeler bien entendu le service après-vente. Eh bien, c'est ce que je vous n'appelez pas l'ambulance, vous appelez le service après-vente. Ben oui, c'est un peu con, mais c'est vrai. Mais en attendant, on va demander à Fred Dubus le dessin qu'il n'a pas fait, ou presque, cette semaine. C'est à Fred Dubus, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour dessiner du Pikachu aujourd'hui. Et la fête continue. Alors, mon c'est Fred. C'est beaucoup trop facile du Pikachu. Non, alors le presque dessin du jour, ça aurait pu être sur Laurette Onkelinx, figurez-vous. Non. Si, Laurette Onkelinx. À propos du rabotage des indemnités de maladie par Maggie de Bloch, ouais, voyez-vous. Oui. Hein, on a parlé de ça. Oui, donc oui, le gouvernement doit faire 110 millions d'euros d'économies sur les indemnités. Et Laurette, elle n'est pas contente. Non. Voilà, on peut la comprendre. Les cancéreux non plus. Elle est offusquée. Non, mais tout ça, c'est bien légitime. Je ne me prononce pas sur le fond, mais Laurette, sur sa page Facebook, elle a déclaré... je sais pas, vous pouvez aller voir sur sa page, c'est tout à fait exact. Elle a déclaré sur sa page Facebook que ce qui est sur la table est ignoble, entre guillemets. Oui. Bon, voilà, qu'on diminue les moyens de ceux qui sont déjà les plus faibles, et blablabla. Et elle termine sa phrase, ça c'est authentique, vous pouvez aller vérifier. Avec le PS, nous sommes là pour dénoncer ces mesures auprès des citoyens qui doivent se rendre compte de l'orientation de ce gouvernement. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Ah oui. Ah oui, putain, oui. C'était donc ça. Là, le PS, qui est dans tous les pouvoirs depuis 150 000 ans, en fait, ce n'est pas un parti politique. Non, non, c'est juste des lanceurs d'alerte. Alors, j'ai été voir la définition de lanceur d'alerte, juste comme ça pour vérifier. Un lanceur d'alerte prend des risques au nom de la cause qu'il prétend défendre et diffuser. Il met en risque sa santé financière ou physique, sa tranquillité, la tranquillité de son couple ou de sa famille et la sécurité de sa personne et de son image. Voilà. Donc, depuis... qu'elle a écrit ça sur Facebook, eh bien, sa maison est sous protection, Alan, hein, enfin encore un peu plus qu'avant. Mark Utendal ne peut plus sortir de chez lui. Laurette Onkelinx est sur écoute, ouais, forcément. Elle a perdu son boulot, elle est l'objet de pression financière, judiciaire. Et avec un peu de chance, elle va enfin s'exiler. Fred Dubus, le dessin donc, il l'aurait presque fait cette semaine, c'était autour oui, de c'était Laurette une possibilité. Onkelinx. Merci. Il y avait un truc sur Didier Reynders aussi, mais ce sera pour la semaine prochaine. Parce qu'il vous fait peur, Didier Reynders. Ah bah oui, attendez, il sera bientôt bourgmestre duc, je ne sais pas. Moi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ma commune. Ah, Fred Dubus, merci pour... Vous allez vous exiler aussi. Ce presque oui, dessin. Comme lui. Et en attendant, comme promis, petit coup de fil à ce fournisseur de téléphone, à ce producteur de téléphone sud-coréen. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Bienvenue au Centre d'information et services Samsung Electronics Benelux. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Nous vous remercions donc de ne pas raccrocher à la fin de cette conversation afin de nous faire part de votre opinion à ce sujet. Ok. Votre avis nous intéresse. D'accord. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle. C'est un problème avec un Samsung. Je comprends rien en fait, monsieur, de ce que vous dites. Alors, j'ai acheté un Samsung Galaxy. Essayez de en fait donner le téléphone à quelqu'un qui parle un peu mieux le français. Le téléphone, il a explosé au moment où j'appelais mon ami Raoul et j'ai un trou dans la lèvre. Vous l'avez acheté où, monsieur? Mais au magasin. Donc vous allez en fait contacter votre magasin là où vous l'avez acheté. Oui. Ils vont faire le nécessaire. Et pour ma lèvre? Ah monsieur, il faut voir un médecin. Pour ça, monsieur, je suis désolé, mais on n'y peut rien. Comment ça, vous n'y pouvez rien? On n'est pas les médecins. Je suis désolé encore. Ben, pas de problème, hein. Pas une désolée. Je vais acheter un autre téléphone. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Ce que je trouve étonnant, c'est que un marchand de téléphone ait un son aussi mauvais. Oui, mais apparemment, il avait un trou dans la lèvre aussi. Oui, oui, oui, ça. Mais je vous promets, c'était... Voilà. 16h44. C'est sympa si ça arrive vraiment. Et qu'on je me suis posé la question. Ah, ouais, si jamais vous étiez au téléphone c'est et que pas le notre fameux problème. Téléphone explosait. Mais écoutez, ouais, on n'est pas médecin, c'est monsieur. Pas nous, problème, nous, on fabrique des téléphones. Et ils ont bien raison. Et il faut voir un peu au niveau des garanties ce que les clauses elles disent. Là. Ah, les lèvres, ils n'échangent pas. L'oreille à la limite, mais pas la lèvre. Peut-être, peut-être. Pas en Belgique, en tout cas. En attendant, je vous invite à vous intéresser. Ou alors ils vous greffent une lèvre de Taïwan ou un truc comme ça. Enfin, une pièce détachée. Il en reste de Bogdanov. Histoire au pluriel. D'abord avec Vincent Flibustier. On aura également Laurent Dosset qui vous posera des questions. C'est la suite de ces Presque Sérieux. Merci à vous d'être avec nous. Et rendez-vous notamment sur la page Facebook. Tiens, si vous voulez repartir avec un très beau cadeau. Enfin, très beau cadeau, oui. C'est un abonnement à trois spectacles. Attendez. C'est un très beau cadeau. Demain, c'est l'anniversaire du Théâtre de Poche. Jubilé, le mythique Théâtre de Poche fêtera ses 50 ans dans le Bois de la Cambre. Alors, grande fête, fanfare, lecture, rencontre avec des comédiens. Vous allez pouvoir manger, boire et plein d'autres choses à laquelle bien tout le monde est convié. C'est gratuit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du Bois de la Cambre pour fêter avec eux les 50 ans du Théâtre de Poche. Demain, c'est également l'anniversaire de ma mère. Je tenais à le dire. Noël, ma mère? Non, ma mère. Et on vous invite donc sur la page Facebook à repartir avec trois abonnements à trois spectacles. Rendez-vous donc sur la page. On va tous chez votre mère alors. Écoutez, vous êtes bienvenus. Vous préférez qu'on aille avant chez votre mère? Et après, on va au Théâtre de Poche. Mais bien sûr. Voilà, manger du cheesecake. Ça pourrait être sympathique. Voilà, rendez-vous en tout cas demain du côté du Théâtre de Poche. Et en attendant, rendez-vous tout de suite avec l'histoire signée Laurent Dosset. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La première, la 3 et le Festival des Libertés présentent Alborosi, Dabing, Collectif 13 et Boulevard Désert, Ojos de Brojo, Michael Franti, DJ Shadow, mais aussi Azafa Vidane en formule solo acoustique. Du 20 au 29 octobre au Théâtre National. Festivaldeslibertés.be. Prévente, Fnac et Ticketmaster. Une organisation de Bruxelles Laïque avec Le Soir et le Vif l'Express. Vous avez un projet de construction? Tepalm vous donne rendez-vous lors de son week-end portes ouvertes les 17 et 18 septembre de 13 à 18h, rue des Frondaisons à Flémalle. Toute l'info sur tepalm.be. La première. Mobile Info. 16h, presque 48, Adrien Demey, que se passe-t-il sur nos routes? Moult choses, notamment ces perturbations très importantes en province de Liège. Deux points noirs, d'une part sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à l'approche du chantier de Cherat. Vous perdez environ une heure entre Loncin et Cherat. Une heure perdue, 13 km de congestion trafic vers l'Allemagne donc. Sur la 602, un accident s'est produit dans le tunnel de Cointe. C'est la bande de droite qui est bloquée. Pratiquement une trentaine de minutes supplémentaires. Ça coince en amont depuis l'échangeur de Loncin. C'est en direction de Chenet venant de Loncin que l'accident s'est produit et les perturbations également. Sur le 411 entre Namur et Luxembourg, vous roulez au pas entre Abel-Hanove et Arlon pour rejoindre Luxembourg. Notons également à Bruxelles un accident à la sortie du tunnel Arlois. C'est la bande de gauche qui est neutralisée. Cela engendre des files vers Kuckelberg. Des embarras de circulation également dans le secteur de la rue de Stahl en cette fin d'après-midi, toujours à Bruxelles. Et puis sur le ring de la capitale, pointons le retard le plus conséquent. C'est une vingtaine de minutes supplémentaires qu'il vous faut entre Zaventem et Grand Bicard. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème. situation sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey Houston, on a un problème ici. Rendez-vous avec l'écriture, parole des dieux, des hommes et d'éternité, lundi entre 13h30 et 14h30 avec Laurent Dehaussay. C'est le sommaire, le programme d'un jour dans l'histoire, tous les jours de la semaine sur la première. Et sur la première également, dans C'est presque sérieux, bien Laurent Dehaussay a une question en rapport avec le jour. Et ce jour, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas Laurent ? Déjà star de mon vivant, j'ai connu à nouveau le succès à titre posthume grâce à un film belge de qualité. Qui suis-je ? Aha ! Michael Jackson ? Non. Dance. Philippe Gueluc ? Non plus. Rosetta ? Non plus. Alors, Farinelli, Farinelli. Farinelli, vous dites ? C'est ça ? C'est Farinelli, effectivement, bien joué. Ça mort, je ne gagne jamais, moi. C'est le premier coup, là. 1782, Carlo Maria Michele Angelo Brocchi, surnommé Farinelli, encore Farinello, c'est mort à Bologne. À dire, hein. Il avait 77 ans, et contrairement aux autres castrats, généralement d'origine modeste, Farinelli, lui, était pété de thunes, comme on dit. Chez, hein, des couilles en or. Pas. Mais c'est bien. Et donc voilà, Farinelli. Alors pourquoi les castrats étaient victimes d'une interdiction papale ? Pourquoi est-ce qu'ils ne chantaient pas Parce que les papes sont sourds. Non, parce que ça excitait parce les vieux curés. On pouvait les confondre avec des enfants. Non, mais pourquoi est-ce qu'on a mis en place les castrats ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des castrats ? Pour garder la voix, quoi. Ouais, non. Pour pas mettre des femmes. Non. Alors, vous dites ? Pour ne pas mettre des femmes. Où ça ? Au Vatican. Effectivement. Les castrats, afin de contourner donc cette interdiction faite aux femmes de chanter dans les églises. Les premiers d'entre eux apparurent à la chapelle Sixtine. C'est là qu'on a vu les premiers castrats. Alors, c'est entre 7 et 12 ans qu'on les castrait, les enfants. Et seulement 10% d'entre eux parvenaient à faire carrière. Vous imaginez ? C'est comme faire des études de journalisme, en fait. Mais il y avait déjà des cas de burn-out à l'époque. c'est ça. Et alors, je voudrais vous faire écouter Alessandro Morecchi, hein, vous prononcez comme vous voulez. C'est un enregistrement réalisé entre 1902 et 1904. Écoutez, ça a été fait à la Chapelle Sixtine. Alors, il marche sur le pied, là. Alors c'est le dernier castrat. C'est le dernier castrat. Là, il avait 70 ans. Et le seul dont on a une trace sonore. Il n'en existe aucune. Il n'y a que lui. C'est énorme. C'est magnifique quand même. C'est vrai. On dira ce qu'on veut, mais c'est magnifique. Vous savez comment ça on ne a... vaut pas un vrai petit garçon. Alors vous savez comment on a reconstitué la voix de Farinelli dans le film, justement, Farinelli ? De Gérard Corbiou. Vous savez comment on a fait ou pas ? Non. On a pris deux voix. La voix d'un contre-ténor et d'un soprano qu'on a mis et superposé les unes sur les autres. Et puis, et voilà. Et finalement, on a mixé le tout. C'est passé par des machines. Et ça a donné cette voix. Comme quoi, avec une machine, on n'avait pas besoin de faire du mal à ce petit garçon. Bah oui, mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais vous imaginez, seulement 10% d'entre eux parvenaient à faire carrière. Ça fait mal au cœur. Ça fait pas mal qu'au cœur. Tu sais que maintenant, dans le show business, c'est ce qu'il y a encore 10% les gens qui ont eu ça. C'est vrai aussi, c'est vrai. Et les autres, ils faisaient Love Story ou quoi ? Bah les autres. Lara Fabian est passée dans la même machine. C'est quoi le problème ? Faites attention, on la reçoit très bientôt. On va demander à Vincent Flibussier de nous raconter des histoires. Tiens, c'est parti. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent. Ben oui, aujourd'hui, vu qu'on est vendredi, je me suis dit que j'allais vous parler d'anthroponymes, donc de noms propres devenus communs comme poubelle, diesel ou le fameux Frédéric Dubus qui a donné son nom aux arrêts du bus. Lynchage, c'est un anthroponyme, vous le savez, ça lynchage. Ah bon ? Ça vient en fait du nom d'un juge américain du XVIIIe siècle qui s'appelait Lynch, et pendant la guerre d'indépendance, il avait tendance à expédier un petit peu les procès contre les Britanniques, bonjour, au revoir, pendaison, en gros. Et David Lynch, le cinéaste, est un de ses arrière-arrière-arrière-petits-enfants, mais il a appris qu'en 2010, et lorsqu'il a su qu'il descendait de ce gars-là, Lynch a fondé une association pour la protection des droits des détenus qu'il a appelée Lynch the Prisoners. Donc lyncher les prisonniers en français, c'est un peu second degré tout ça. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a remarqué que pas mal de donateurs de l'association avaient pris le truc au premier degré et pensaient qu'il s'agissait d'un mouvement qui voulait tuer tous les prisonniers. Et on a remarqué ça quand trois donateurs ont voulu récupérer leur argent, Lynch les a envoyés bouler. Justice est faite, comme dirait Sud Presse. Une histoire de Lynch, de lynchage. Vincent Flibussier, c'est votre première première histoire, la seconde. Alois Alzheimer, c'est le médecin allemand qui a découvert la maladie qui porte maintenant son nom. Mais à l'époque, il a eu un peu de mal à se faire entendre, puisque lorsqu'il donne sa première conférence après des années de travail sur un patient, donc pour montrer les résultats de ses recherches, personne ne l'écoutait et personne n'a posé de questions après sa conférence, puisque juste après lui, il y avait une conférence sur la masturbation compulsive. Du coup, aucun médecin n'a posé de questions, ne s'est intéressé à Alzheimer. Tous voulaient passer à la présentation suivante. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, on dit que ça l'a rend sourd, puisqu'à cause de cette présentation ratée, il a fallu attendre encore plusieurs années pour qu'on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer. Et au fait, pour préparer cette histoire, j'ai tapé masturbation Alzheimer sur Google. Je vous conseille pas. Il y a un très grand lien entre les deux, parce qu'à mon avis, les gens oublient. On ne veut pas savoir. Alors, on parle de Lynch ou d'Alex Alzheimer. Regardez dans Google Images. Alzheimer. Ben, si vous tomberez sur Eric Zemmour, certainement. Vincent Flibustier, la réponse dans un instant, mais on va demander à Fred Dubus. Première ou seconde histoire? Ben, c'est très bien, on va prendre la première pour vous, tiens. C'est ce que j'aurais dit. Michael Albas. Allez, on va laver notre Lynch sale en public. Allez, c'est parti, la première pour lui aussi. Mais enfin, non, je dirais la deuxième. Quand même. La deuxième, Raoul. La deuxième, c'était quoi encore? Oui, c'est pas mal, pas mal. Alzheimer, et enfin. Je prends la deuxième. Moi, je suis fou de Lost Highway, donc je vais dire Lynch. Lynch pour Cédric Gervais, roulement de tambour. Vincent Flibustier, c'est parti, on va savoir dans un instant quelle est l'histoire vraie du jour. Ou Lynch, ou Alzheimer. Ben, le lynchage est bien originaire du nom du juge Lynch, mais David Lynch n'a rien à voir avec lui. Donc c'est bien le docteur Alzheimer qui a eu du mal à se faire entendre lors de la présentation de ses super résultats, puisqu'après il y avait une conférence sur la masturbation compulsive qui en plus apparemment n'était pas très intéressante. On a donc pris ses recherches en compte qu'un peu plus tard. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un autre lien bizarre de cause à effet, c'est qu'en fait pendant longtemps on a cru que la masturbation causait la maladie d'Alzheimer. Je sais pas d'où ça sort du tout, mais c'est comme le fait que ça rend sourd, c'est vraiment un truc que les c'est gens les épinards et le fer. Voilà. Ah bah écoutez, ça vient des oreillons. On apprend des choses. Ça, c'est une guesse. Ah, ça c'est bon. On ne sait pas si la masturbation cause Alzheimer, mais je peux vous dire qu'on cherche dans Google. Ça va aller. On s'informe à 17h et on s'informe et on justement relatera l'actualité un peu différemment autour de cette taxe nucléaire, l'erreur du cabinet Margain qui pourrait coûter des millions, c'est ce que nous avons tous lu dans la presse aujourd'hui. Ah oui, c'est tout le monde là. Et je vous proposerai justement de retitrer cette information autour de cette erreur qui va nous coûter des millions. Taxe nucléaire, l'erreur du cabinet Margain et des cadeaux que nous vous offrons sur la page Facebook. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Trois abonnements à trois spectacles pour le théâtre de poche qui fêtera ses 50 ans dès demain. Rendez-vous donc dès demain à partir de 16h30 pour passer un chouette moment. Dans la suite, on reste presque sérieux avec toute la bande. Michael Albas, Fred Dubus, Vincent Flibustier, Cédric Gervais, Raoul Reyers et vous, forcément. Les infos 17h, c'est tout de suite. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Oui, pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! Wouh! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. City 2. Le samedi, c'est deux fois mieux. City 2 vous offre chaque samedi 2 heures de parking gratuit pour tout achat de minimum 25 euros. City 2, le centre commercial en plein cœur de Bruxelles. Facile d'accès par le métro Rogier, la gare du Nord ou son parking aisé situé à la rue des Cendres. Il y a toujours quelque chose de mieux à City 2. City 2, prenez la ville du bon côté. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes. Tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Un overboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein. Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Une zone de pluie arrive par le littoral. Il va y pleuvoir assez bien ce soir et l'année prochaine avec des rafales de vent qui seront soutenues. Cette zone de pluie va s'avancer vers le centre du pays en perdant de son activité demain, mais ça sera quand même très nuageux. Et puis demain, une journée un petit peu particulière puisqu'il y aura donc ces fines pluies en première partie de journée sur l'ouest et le centre, un temps plus sec sur l'est et le sud. Et puis demain après-midi, des averses qui vont cette fois revenir par l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Dimanche, on aura un ciel assez chargé au sud du Sion-Sambre-et-Meuse avec encore quelques averses, un temps plus sec pour toutes les régions l'après-midi et pour tout le week-end, une moyenne de 17 à 21 ou 22 degrés. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. La clé de répartition des numéros Inami pour les futurs médecins entre la Flandre et les francophones n'en finit pas de faire réagir. Le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles accuse le fédéral de vouloir manipuler les chiffres. La Belgique entame sa nouvelle campagne de Coupe Davis à Ostende contre le Brésil. C'est du tennis. David Goffin a offert le premier point à la Belgique. Steve Darcy tente en ce moment d'apporter le deuxième. On rejoindra Christine Anquet dans un instant. Mais avant, Adrien Demey, quel est l'état de la circulation ce soir? Un point noir en province de Liège, deux pour être exact. Tout d'abord sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, comptait une heure supplémentaire entre Lonsin et le chantier de Cherat. Sur la 602, comptait une quarantaine de minutes perdues entre Lonsin et un accident à hauteur du tunnel de Cointe vers Chenet. Puis à Bruxelles, de gros embarras de circulation dans le secteur de la place Mézère suite à un accident. Le gouvernement fédéral s'est accordé sur les quotas de médecins pour 2022. Depuis hier, on sait que la clé de répartition entre la Wallonie et la Flandre, 40-60%, reste la même. La ministre de la Santé, Maggie De Blocq, justifie cette décision par le surplus d'étudiants francophones diplômés ces dernières années. Cette décision va mettre en péril grave l'avenir de nos soins de santé, s'insurgent les associations d'étudiants. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, il dénonce des chiffres manipulés. Mais qu'en est-il pour les étudiants francophones qui sortiront de leurs études d'ici 2021? Rien n'est assuré pour l'instant. Il n'y a pas non plus de décision concernant les reçus collés. Ce sont ces étudiants qui ont réussi leur première bac, mais ne sont pas en ordre utile dans le classement du concours. Pourront-ils quand même s'inscrire cette année en deuxième bac? On attend une décision de justice, comme le confirme Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'Enseignement supérieur. La situation est difficile à deux titres. Le premier élément, c'est de savoir s'ils peuvent s'inscrire en deuxième bac. Et pour cela, nous attendons les décisions de justice. Il y a trois recours aujourd'hui pendants qui ont été plaidés cette semaine. Et nous attendons les décisions pour le début de la semaine prochaine. La justice dira si effectivement on doit considérer qu'ils peuvent s'inscrire en deuxième bac. Le deuxième problème qui est tout aussi grave, c'est que nous n'avons pas la garantie aujourd'hui que ces étudiants, à la fin de leurs études, disposeront d'un numéro INAMI. Et donc, ça fait partie de la négociation que nous devons avoir avec Madame De Blocq. C'est la certitude que si nous les laissons s'inscrire en deuxième bac, ils pourront avoir un jour un numéro INAMI leur permettant de pratiquer leur profession de médecin. Et ça, ce n'est pas encore garanti. Il serait responsable de dire « inscrivez-vous » et puis que dans 5 ans, quelqu'un dise « ah mais vous êtes des surnuméraires, vous n'avez pas de numéro et vous ne pouvez pas pratiquer la profession médicale ». Jean-Claude Marcourt au micro de Marc Mellon. Des excuses publiques devant l'entrée du Parlement fédéral. Celle du député Open VLD Luc Van Biesen, adressée à la chef de groupe SPA. Hier, en séance plénière à l'issue d'un débat sur Caterpillar, le député libéral flamand avait lancé à Myriam Kittir un « retourne au Maroc ». Ce midi, Luc Van Biesen s'est excusé. Le racisme n'a pas sa place dans cette assemblée, ni ailleurs d'ailleurs. Fin de citation. Myriam Kittir s'est dite satisfaite. Je suis contente que nous puissions désormais délivrer un message ensemble contre le racisme. C'est ce qu'elle a déclaré. De nouvelles arrestations dans les milieux djihadistes belges. Deux personnes ont été interpellées hier et vont être présentées au juge d'instruction. Des interpellations à l'issue de trois perquisitions effectuées à Schaarbeek, Liège et Arnhem dans le cadre d'un dossier fédéral pour participation aux activités d'un groupe terroriste. L'une des personnes interpellées est un homme âgé de 28 ans. L'individu aurait été actif au sein d'un groupe Telegram, une application de messagerie cryptée où il aurait indiqué se préparer à commettre un attentat. En France, à Dijon, en Bourgogne, un immeuble s'est effondré après une explosion. Selon le dernier bilan, au moins 20 personnes ont été blessées. Deux d'entre elles sont dans un état grave. L'explosion a été causée par la tentative de suicide au gaz d'un habitant après une déception amoureuse. Et il n'en était pas à son coup d'essai, comme l'a expliqué le vice-procureur de Dijon, Jean-Luc Chemin. Cet individu, dont je peux vous dire qu'il est âgé d'environ une cinquantaine d'années, est connu des services de police et des services de justice pour avoir fait l'objet de condamnations dont certaines sont anciennes. Pour vous apporter quelques précisions supplémentaires sur cet individu, quelques jours auparavant, les services de police avaient été amenés à intervenir alors que ce dernier s'était automutilé dans le cadre d'une autolyse et l'avait accompagné et conduit en milieu hospitalier. Les précisions et les du vice-procureur de Dijon, des propos recueillis par nos confrères de Radio France. Un sommet pour se rassembler et avancer ensemble autour d'un projet. Ce projet, c'est le projet européen, mis à mal depuis un moment et qui a reçu un gros coup sur la tête lors du référendum du 23 juin où les Britanniques ont voté pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors à Bratislava, en Slovaquie, les Européens, les 27 sans le Royaume-Uni, sont réunis. Aucune décision importante n'est attendue à l'issue de ce sommet informel. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a lui fait référence à trois grands chantiers, la surveillance des frontières extérieures et la politique migratoire commune, la sécurité, défense et la lutte contre le terrorisme et enfin l'emploi et le bien-être. Une promenade de santé pour David Goffin. La Belgique affronte le Brésil tout le week-end en Coupe Davis à Ostende. Finaliste l'an dernier, notre pays part favori et ça a bien commencé. Le Liégeois a battu le Brésilien Thiago Monteiro. Bonsoir Christine Anquet. Oui, bonsoir. Vous avez suivi cette rencontre, évidemment. David Goffin, on peut le dire, a retrouvé sa forme et son jeu, Christine. Oui, parce que on l'avait laissé à l'US Open, battu au premier tour de l'US Open. Il n'a plus joué de match depuis. Donc, il nous a en plus rassuré en ce qui concerne la suite de sa saison, même si on n'était pas très, très inquiet. On sait très bien que des coups de moins bien, ça arrive même aux meilleurs. Mais David Goffin a battu Thiago Monteiro 6-2, 6-2, 6-0. C'était donc une démonstration. Et on s'en doutait, le deuxième match n'est pas aussi simple à gérer que cette première rencontre. Cette fois-ci, le joueur brésilien, en l'occurrence Thomas Bellucci, est mieux classé que le joueur belge qui est Steve Darcy. Impossible de vous dire qui va prendre l'avantage dans cette partie en remportant le premier set puisque les deux joueurs en sont au tie-break. 6 jeux partout et 4 points à 2 quand même pour Thomas Bellucci. Il a l'avantage du côté brésilien. C'est Bellucci, le tombeur de David Goffin aux Jeux Olympiques de Rio qui avait réussi le premier break dans cette partie et Steve Darcy, l'homme des grands événements en équipe nationale donc en Coupe Davis, est revenu immédiatement. Il n'est pas impossible qu'il revienne encore dans ce tie-break. C'est 5 points à 2 en tout cas pour Thomas Bellucci pour le Brésil. Merci Christine Anquet qui suit donc eh bien ces matchs dans le cadre de la Coupe de Davis. On vous retrouvera bien sûr à 18h pour faire le point sur la rencontre en cours entre Steve Darcy et le numéro 1 brésilien Thomas Bellucci. Direction Rio à présent avec une nouvelle médaille d'or pour la Belgique aux Jeux Paralympiques pour Michel Georges en catégorie freestyle, c'est de l'équitation. La cavalière hennuyère confirme son titre acquis à Londres il y a 4 ans. Il s'agit là de sa deuxième médaille dans ces Jeux organisés au Brésil après l'argent dans l'épreuve du Team Test. Elle disputera encore l'épreuve par équipe. Chris Bosman a également remporté une médaille d'argent en cyclisme sur route dans la catégorie des athlètes qui présentent un handicap physique aux jambes. Enfin, en tennis en fauteuil, on peut suivre en direct dès à présent sur le site internet de la RTBF Joachim Gérard. Il tentera de décrocher le bronze. Le Belge rencontre le Français Oudet pour peut-être une 8e médaille belge. Merci de nous être fidèles. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. 17h08, c'est toujours presque sérieux. Merci Diane. Retour dans l'information dans 22 minutes à 17h30 avec Arnaud Roysen. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Quel plaisir de passer ces fins d'après-midi avec vous tous les jours de la semaine. Nous sommes presque sérieux et cette actualité que nous digérons et que nous ressortons notre manière hein, pour vous. Elle est encore plus fraîche. Elle est encore plus fraîche avec autour de la table justement de la fraîcheur. Vous l'avez entendu, il fait également des bruitages et des dessins. C'est Fred Dubus. Bonjour Fred Dubus. Mais surtout des bruitages. C'est ça. Il y a Michael Albaz qui s'intéressera dans un instant à la rentrée de Loretton Collins. Cédric Gervit avec nous aussi. Bonjour. Vincent Flibustier. Oui. Et Raoul Reyers. Pourquoi elle était partie? Bah non, il était toujours là. Non, mais Laurette. Et elle fait sa rentrée. Ah, on en saura plus dans un instant. En tout cas, au programme de cette dernière demi-heure, avant de retrouver Arnaud Roysen, une presque star, notre agence de presse, hein, le Philippe de la semaine. Vous décernerez, bien, Philippe, un prix. Prix à la personnalité ou à l'actualité qui vous a le plus irrité. Cette fameuse rentrée de Loretton Collins. Mais sans plus attendre, intéressons-nous à cette actualité dont tout le monde parle aujourd'hui, cette taxe nucléaire et l'erreur du cabinet Margem. C'est presque sérieux. Sur la première. Et on l'apprend aujourd'hui, EDF et Electrabel ont versé 7,2 millions d'euros à l'État belge en avril dernier à titre de redevance pour le réacteur Tihange 1. Cette redevance, aussi appelée taxe nucléaire, avait été négociée lors de la prolongation de 10 ans de la durée de vie du réacteur Tihange 1 avec ses deux propriétaires, hein, EDF et Electrabel. Ouais. Mais le régulateur du secteur, la CREG, Daniel Craig, a cependant estimé dans un rapport remis au printemps que c'était pas très Bond. C'est pour ça que j'ai continué. Voilà, merci de soulever. Ah oui, moi j'aime bien soulever des trucs mauvais comme ça. Ah faites gaffe. Je vous en prie. Alors on apprend que le cabinet de la ministre en charge du nucléaire, avait jusqu'au 15 septembre pour réclamer son dû, mais aucune démarche n'a été entreprise et ainsi donc oublié de réclamer à Electrabel et EDF les quelques millions d'euros que son régulateur lui permettait de récupérer. Donc voilà, petit cafouillage, l'État qui se pose des questions, 7,2 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a encore pour 7,2 millions? Voilà. Taxe nucléaire. Deux grands pains. L'erreur du cabinet Margem qui pourrait donc coûter des millions. Comment vous pourriez retitrer cette information, Vincent Flibustier? Il y avait trop de trucs horribles pendant les Paralympiques 48, tout ça. C'est trop d'émotions. Je craque. Ah, c'est ça. Je craque. C'est le mot. Je craque. Il est allé boire un coup. Ah, je craque, ok. C'est ça, cette chemise. Oui, effectivement, il a craqué aussi. On va demander à Cédric Gervit. Les grands esprits se rencontrent parce que j'avais la même que Fred, mais c'était la boulette qui va nous coûter un bras. Ah ouais, c'est pour ça que je voulais pas parler. Alors moi je vais faire Marie-Christine Margem congédie son bras droit. Ah, merci. On va demander à Michael Albaz. Et merde alors, 2 points. Margem et Galland avaient le même prof de maths. Merci. Oh, et enfin Raoul Reyers. Pas mieux, course de calculette entre MC Margem et G Galland, le match est serré. Ah ben voilà l'information que vous pouvez retitrer. Ça, ils savent qu'on sait ce qu'elles font. Bah, écoutez, la compétence dans le noyau. Retitrez justement cette information, vous qui nous écoutez sur la page Facebook de l'émission. Et sans plus attendre, c'est notre agence de presse, Co-programme, Sarkozy, Poulvourde, Le Prince Laurent ou encore Bart de Wever au menu de presque infos. Mais attention, qui sont fausses. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. À Louvain-la-Neuve, un mail alarmant circule entre les étudiants et sème un vent de panique. Il s'agit d'une photo de Nicolas Sarkozy en tenue d'Adam avec Benoît Poulvourde. Une image qui choque surtout le Carla Bruni. Et il y a plusieurs semaines, le journal télévisé de la RTBF a diffusé un reportage où l'on voit des fonctionnaires communaux travailler très dur. Des images insoutenables, mais heureusement, ce seraient des images truquées. Un nouveau visage pour la FGTB. Bart de Wever sera désigné officiellement comme secrétaire général sur une plage de l'Alaska. Déjà merci pour votre accueil et générosité. Le prince Laurent est sorti du bois hier. Il vivait dans les montagnes du syndicat socialiste. Il faisait partie d'un programme de repeuplement des ours. Et cela apparemment à cause de la météo. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Vous avez obtenu l'autorisation d'utiliser les voies de la RTBF alors maintenant? En fait, ça veut dire qu'il les avait en magasin. La photo de Sarkozy à poil, vous l'avez vraiment ? Alors, laissez-moi vous dire. Merci, Fred Dubus. On va s'intéresser à notre presque star. Elle s'appelle Florence. Non, mais je n'ai rien dit, excusez-moi. Elle est avec nous, Florence. Florence est là. Florence, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Ah, bien, écoutez, ravi de vous entendre, Florence. On parle de vous dans la presse, mais pour quelle raison ? Nos chroniqueurs ont exactement 1 minute 30 pour le découvrir. Des questions qu'ils me poseront, je ne répondrai à leurs questions que par oui ou par non. Est-ce que vous avez quitté la RTBF il n'y a pas longtemps pour revenir à la RTBF il n'y a pas longtemps ? Florian vient du Hainaut. Non, bah non. Non. Est-ce que c'est artistique ? Artistique, non. Ah. Ah, bah oui. Ah. On ne sait pas, Walid. Est-ce que c'est gastronomique ? Pardon ? Gastronomique, non. Non. Et là, sportif. Et là, sportif. Vous dites ? Un prix, non. C'est en rapport directement avec une actualité qui va être très proche. Puisque est-ce qu'elle a vendu la calculette de... On en parlera et on va en parler la semaine prochaine. Enfin, déjà cette semaine. Semaine de la mobilité. Semaine de la mobilité. Ah, elle roule à vélo. Alors, c'est ouais. Dimanche. Ah, c'est elle qui a écrit une carte blanche dans la Libre. Indigne. Non, c'est pas ça. Oh, voilà. Mais on y avait pensé. Ouais, mais c'est dans... Voilà, c'est, on n'est pas elle très loin. Elle a trouvé une manière de ne pas rouler en voiture. Au contraire, c'est la femme qui pollue le plus de Belgique. Non, et on l'a appelée pour l'engueuler. Non, ce n'est pas elle, mais on va pouvoir vous dire que c'est fait, c'est bon, puisque vous avez trouvé la semaine de la mobilité. C'est effectivement dans ce cadre que nous avons Florence Lecoq, responsable communication chez ProVélo. Puisque vous le savez, du 16 au 22 septembre en Belgique et dans toute l'Europe, eh bien, s'organise la semaine de la mobilité, une semaine pour apprendre à connaître et utiliser les moyens alternatifs à l'usage de la voiture en ville, train, vélo, tram, bus, patin, skateboard... Overboard aussi. Nouvelle mode débile. Et le dimanche sans voiture, lui-même aura lieu le 18 septembre, donc ce dimanche-ci. Faites attention. Alors, elle est avec nous. Florence, on en parle avec vous. Parle-nous un peu de votre ASBL ProVélo. Ben voilà, donc ProVélo est une ASBL qui existe depuis 25 ans. Et notre objectif, c'est de faire la promotion du vélo, d'accompagner les personnes qui souhaitent changer de mobilité et se diriger vers le vélo par plein de projets différents. Alors, pas mal d'activités, hein, par exemple des balades à l'aveugle en ville, des promenades chaloupées avec votre petit bébé. Mais aussi, il y a un festival, le Festivélo, la fête du vélo à XL. Oui, tout à fait. C'est donc une première. On organise ça avec la commune d'Ixelles. C'est demain de 10h à 22h. Et alors, on a plein d'activités qui s'adressent autant aux adultes qu'aux enfants. Et ce sera aussi l'occasion de... Ce sera le point de départ de la première Backfit Parade à Bruxelles. La Backfit Parade, qu'est-ce que ça ? J'ai compris Backfit. Non, ça, c'est tous les jours. C'est quoi la Backfit Parade ? Donc le mot backfit, c'est le terme en français, c'est vélo cargo. Et donc l'idée, c'est de montrer le nombre de vélos cargo qu'il y a à Bruxelles demain par un grand rassemblement. Un vélo cargo. Donc on se baladera pendant une heure dans Bruxelles. Alors juste une dernière chose, au niveau du festivélo, quelles sont les activités qu'on va pouvoir retrouver ? Donnez-nous et mettez surtout nous l'eau à la bouche. Alors, l'eau à la bouche, on va commencer par un milkshake. Donc, il y aura l'occasion de faire des milkshakes en roulant à vélo. Ah oui, voilà, ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est une des activités. Il y aura aussi la possibilité de tester tous des vélos un peu loufoques, hurluberlus. Mm-hmm. On aura aussi des installations artistiques et sonores qui sont faites avec des matériaux de récupération de vélos. On aura une formation en vol donc pour apprendre à rouler avec ses enfants en ville. Un pique-nique urbain. Pas mal de belles choses. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur notre site lapremière.be ou sur la page Facebook de cette émission. C'est presque sérieux. Florence Lecoq, de la pompe. Responsable comme de chez ProVélo, qui était notre presque star du jour. Une semaine de la mobilité partout en Belgique, en Europe aussi, hein, puisque cette semaine partout en Europe et en Wallonie aussi, où vous allez pouvoir bien découvrir pas mal d'autres activités. Oui, Raoul. Moi, dimanche, je vais me terrer chez moi. Oui, mais... Parce que sortir avec tous ces vélos en rue, j'ai vu passer terrible, tellement d'ambulances l'année dernière. Moi, je vais me rappeler l'île de Ré. Je vais venir vous chercher un vélo. Si vous voulez. Ah, je vous mettrai dans le petit... Sur le porte-bagages. Oui, mais et ce sera les milkshakes derrière. Dans le backfit. Bah oui, c'est ça. Voilà. Le backfit, il paraît qu'on peut mettre 4 enfants là-dedans. Ben, c'est tout vous, en fait. Voilà. Il fera des moules à la plancha à l'arrière. Voilà, parfait. Merci en tout cas, Florence. Merci à vous. Très vite. Rendez-vous donc sur la page Facebook de l'émission et rendez-vous sans plus attendre avec l'actualité qui nous attend. Et il nous en parle, c'est Mickaël Elbaz. Il nous parle de la rentrée de Laurette en Collings. Laurette, hey. Quand bien sont juste, là, c'était bien, c'était chouette.

Obama ou Frédéric François, je les confonds toujours, les femmes sont l'avenir du monde. Vous riez, mais le seul des deux qui a réussi une résurrection, c'est pas celui qu'on croit. Non, mais il a raison, Dalaï. Les femmes au pouvoir, ça a toujours donné des résultats plus éthiques, comme avec Madame Thatcher, par exemple, elle qui pensait à la courtoisie tous les matins en se rasant. Il faut protéger les femmes de pouvoir. Surtout en ce moment, alors qu'Hillary Clinton crache ses poumons de New York à Chicago, pendant que Bill organise des dîners militants à $100 par tête de pipe, il s'y connaît. On s'inquiète un peu, même si LA est toujours dans la course, et que même en cas d'ablation du cerveau, elle serait plus apte à diriger que Donald, qui refuse toujours de donner des nouvelles de l'état de santé de l'animal qu'il porte sur la tête. Au gré des saisons, Laurette Ankellings fait donc son retour quand vient la fin de l'été. Elle a le sens du timing, Laurette. Faire sa rentrée médiatique le jour où l'on annonce la sortie imminente d'un album hommage à Michel Delpech. Histoire de doublement rappeler que c'était bien chez Laurette et qu'elle peut communiquer autrement que via Delpech de l'agence Belga. N'empêche, quand on voit le casting des chanteurs qui vont tirer sur le mort, on se dit que c'est comme en politique. Il y en a pour tous les dégoûts. Des voix féminines comme Obispo, des voix de garage comme Barbe Livien qui reprendra Les Aveux, sans doute un conseil déguisé à son ami Sarkozy, et même un chanteur aveugle, hein, Laurent Voulzy, qui... Quoi, il n'est pas aveugle, Laurent Voulzy ? Alors c'est vraiment lui qui choisit ses vêtements ? Sans transition, pas de trace en revanche de Francis Lalanne, ville de résidence de notre Laurette, car il est temps de revenir à nos moutons, ou plutôt à leur berger. Oui, comme Michel, mais pas celui qui écrit des lettres à France. Bien que certains diront que chez elle aussi, le disque est rayé en entendant son discours de rentrée à base de « Le fédéral se cache derrière le bouclier de la sécurité pour masquer la mauvaise situation » ou encore « La politique de droite est brutale et violente ». Elle nous a sorti son best-of, hein. Il manquait juste les couplets Elio a le cœur qui saigne sur la main et aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est bien connu, à droite, on se marre tout court quand on voit plus de misère. Pendant qu'en Wallonie, la gauche bosse fort, comme Émir Kyr. Et d'ailleurs, c'est magique, hein. Plus les usines ferment, plus le chômage baisse. Pardon ? Ils sont tous au CPAS ? Oui, mais ça, ça compte pas. Attendez, on va quand même pas créer de l'emploi, ça leur ferait trop de boulot. Oui, parce que eux, du boulot, ils en ont trop, hein. Il faut bien gagner sa vie et celle de ses héritiers. Car vous en avez peut-être entendu parler, mais le 13 septembre, c'était la journée internationale du testament. Pardon, je crois que j'écoute un peu trop la radio en ce moment. Bon, je vous vois venir. Et pourtant, loin de moi l'idée de défendre le gouvernement fédéral. Je suis au moins autant libéral que Magnette et socialiste, c'est vous dire. Plus je vois jambon, plus je comprends les végétariens. Il n'empêche que se voir reprocher son impuissance politique et ses manœuvres pour la dissimuler par un membre du PS qui a quand même passé les 30 dernières années à tous les niveaux de pouvoir, c'est un peu se faire traiter d'escroc par Jérôme Cahuzac ou d'analphabète par Stéphane Powell. Aujourd'hui, chaque observateur de la politique vous le dira, hein, mieux vaut un œil avisé qu'un œil Tundal. Et quelques francs-maçons ne suffiront pas à reconstruire la crédibilité d'une classe politique qui radote. Et les alternatives qui sont proposées sont aussi réjouissantes que la perspective d'un retour de Marc Goblet. Oui, je vise un peu le PTB, ce parti qui, depuis le dernier baromètre, a le menton haut, mais toujours le Cuba. Le seul Raoul qui n'ait pas encore perdu sa crédibilité, il est en face de moi. Bon, de là en faire un Premier ministre, bon, au moins ce serait drôle. Plus sérieusement, il semble évident qu'en haut du panier, on a besoin plus que jamais d'un vrai boss, même si ça blesse Pascal. Ah, moi, je retiendrai, mieux vaut un œil avisé qu'un œil Tundal. Merci. Je trouve que c'est beau, ça. C'est beau. Allez, c'est excellent. Le Philippe de la semaine, c'est parti. Cette conversation est terminée. Soir première dans un instant et un mot pour justement relater cette actualité de cette semaine avec un prix que vous décernez à une actualité ou à une personnalité qui vous a horripilé cette semaine. Raoul Reyers. Bon, horripilé, je ne sais pas, mais ça se passe à Mons et déjà ça c'est drôle. Déjà, c'est voilà, moins drôle qu'Anderlu. Ah oui, non, mais... c'est plus drôle avec Anderlu. Ouais. Et donc le petit gars travaillait avec une association de malfaiteurs dont le chef se faisait appeler le Grand. Ouais. Le problème, c'est qu'il transportait de la drogue dans la voiture de son papa, qui était chauffeur de ministre. Ah non. Si. Mais je crois que ça, il ne sera pas tellement. On a le nom du ministre ou pas ? Mais non, je l'ai pas trouvé. Mais si vous le connaissez, n'hésitez pas. Ah ben écoutez, c'est bon, c'est parti. Philippe de la semaine pour Cédric Gervy. Ben moi, qui viens pas tous les jours, c'est un peu le côté obsolescence programmée de l'info. On a à peine le temps de parler de Bayer et Monsanto à la machine à café qu'on apprend que ce ne sera plus du Duhaeckbert. Donc ça s'auto-vieillit très très très vite comme ça. Ah. Ouais. C'est un peu chaud. Merci Cédric Gervy. On va demander à Mickaël Albas. Bah, au Front National, hein, pas seulement pour l'ensemble de son œuvre, mais parce qu'ils ont refoulé le quotidien, l'émission quotidien de Yann Barthès et Mediapart, donc ils n'auront pas d'accréditation. Bah oui, au FN, on aime l'impertinence, mais pas quand c'est intelligent. Hein, ça risquerait de faire réfléchir leurs électeurs. Laissez-moi vous dire. On va demander à Fred Dubus. Il y a rien à voir. Baba, vous connaissez Baba, Ali Baba. Ali Baba. Ah oui, je n'en peux plus. Ah bah, je n'en peux pareil. Plus de cette pub, ah vraiment. Ah oui, ah de oui, la oui, pub oui, en général. Oui, oui. Non, non, mais oui, mais alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 15 ans qu'elle tourne, et alors c'est 17 fois par jour. Alors, partez Namut, s'il vous plaît, changez votre pub, sinon moi je vous quitte. Non, mais... Voilà, voilà, c'est clair. Ils vont changer. Si tu reviens, oh oui, ça le fait, ça, ça le fait. Je vais rendez-vous avec eux ce matin. En plus, je ne la comprends pas. Hein? Ah oui, vous avez rendez-vous avec eux ce matin. Ça va. C'est Sophie Favier. Et on va demander. Non, à... mais je ne la comprends pas. Pourquoi est-ce que cet Ali Baba a un défaut de prononciation qui a pris un gramme. Expliquez-moi. On va demander à Vincent. Vous qui les avez vus ce matin. Alors, Vincent. Moi, c'est Sarkozy et tous les autres cons de climato-sceptiques qui, un jour ou l'autre. Quoi ? Non, les cons. Écoutez, non, vraiment, je pense qu'un jour ou l'autre, d'ici 50 ans, quand le réchauffement climatique aura tué des millions de personnes, à mon avis, ça deviendra un crime. Mais non, on sera tous morts. Ouais. Donc, à mon avis, voilà. Merci Vincent Fibussier. Ouais, c'était bien. C'était en fait, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, décerner un prix à quelqu'un qui vous a hérité, c'est une belle manière de terminer la semaine. Je ne sais pas. Je suis pas certain. Merci en tout cas à Fred Dubus, à Vincent Fibussier, à Michael Albas, à Cédric Gervi, à Raoul Reyersé, à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous demain pour le best-of. Dimanche pour le best-of. Attention, semaine de la mobilité oblige. Pas de voiture à Bruxelles. D'ici là, portez-vous bien. Nous serons de retour lundi dès 16h pour un nouveau numéro de C'est Presse. Ça le fait. La première est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be, avec le soutien de Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Voici les résultats semestriels de Belfius. 21 000 rêveurs qui ont